Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Bonjour, comment ça va? C'est très heureux de te revoir et de te réentendre cette année. Je t'ai pas parlé de record, mais tu dois sûrement avoir une opinion parce que ton garçon Mathieu, il m'en parlait pas mal. Il y a seulement 28% des armes à feu qui sont enregistrées avec le nouveau régime Peut-être un petit peu plus parce que ouais. Là, le gouvernement a fait un peu peur, mais en réalité, ça dépasse pas 30-35%. Là. Ouais. Donc, ça marchera pas. Là, le gouvernement, il dit toutes les fois qu'on entend parler du registre, là, on n'a pas encore mis d'amende. Là, on sait que les agents de la fonte ne demanderont pas les cartes, puis ils peuvent pas saisir les armes. Donc, comment ça va se passer? J'ai hâte de voir à l'automne, parce que là, déjà là, on va amorcer la chasse à l'ours avec la pêche en même temps. On va voir comment les gens vont réagir, mais pour le moment, le gouvernement n'a pas donné d'avis de saisie d'armes de la part aux agents de la fonte. Ça fait qu'on verra bien ce qui va se passer. Mais encore une fois, je vais dire ce que j'ai dit, pas à toi, mais à une autre station. Moi, j'ai un client qui est venu me trouver ici au magasin. On a commencé à parler de choses et d'autres, dont la chasse. Il dit, ma femme est morte depuis 2 mois. Mmh. Il dit, le gouvernement a déjà envoyé une lettre à la maison que je lui retourne ma carte chasseur et les 2 armes enregistrées à son nom. Et oui. Ça prouve que le gouvernement a tous les registres, il y a déjà toutes les armes qu'on a déjà déclarées dans les magasins de chasse à pêche depuis qu'on les a achetées. Mmh. Donc, ils n'ont pas besoin des registres supplémentaires. Ils font ça simplement pour être à ta galerie. Encore une fois, ça sert à rien. Non, les gars, c'est je ne sais pas comment ça va virer, parce qu'ici, on est une région que... C'est une région de chasseurs depuis des années. Ouais. Puis écoute, les gens, c'est pas les meurtriers là, qui ont des armes à feu. Là. Voyons donc. De toute façon, il y a beaucoup d'armes qui ont servi à des tueries qui étaient déjà enregistrées. Mm. Puis ceux qui veulent avoir des armes non enregistrées vont toujours être capables d'en l'acheter. Donc, arrêtons cette folie-là. Là, ça va nous coûter une fortune, encore une fois, qu'on n'a pas les moyens. Là. On voit qu'on serait mieux de s'occuper des parents qui négligent 2 enfants que de s'occuper des honnêtes chasseurs qui pratiquent un sport. Là. Je pense qu'on n'a pas les priorités au bon plan. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Là. On n'est pas une radio d'actualité, sauf que là, les gens s'indignent avec la petite fille, sauf que quelque part, ça va-tu donner de quoi? Je suis pas sûr. Ça donnera pas grand-chose. Ouais. Donc, tu voulais parler, écoute, le réchauffement climatique, derrière, hein, avec là, la pêche. Non, non, ceux qui veulent aller voir ma page Facebook, ouais. J'ai justement écrit un article cet après-midi sur le réchauffement climatique. Où en réalité, je dis sommairement qu'il y a plus de rignal dans le bois qu'on n'a jamais eu. Il y a plus de chevreuils qu'on n'a jamais vu. On est rendu avec une population d'oies qui est, vous le voyez, vous autres, dans votre région. Mm. Le couloir migratoire est rendu dans votre région. Mm. Vous avez des oies au printemps, vous avez des oies à l'automne. Comme il n'y en a jamais eu, on a une population de dindons sauvages qui augmente d'une façon incroyable. Donc, si on avait eu un dérèglement de la nature à cause d'un changement climatique, on s'en apercevrait. Ouais, effectivement. Puis de l'autre côté, avec toute la déforestation qu'on a faite, parce qu'on sait qu'on coupe beaucoup d'arbres, les gens s'en inquiètent beaucoup, mais selon les statistiques, on a 543 milliards d'arbres au Québec qui filtrent le CO2. On est une des plus grandes concentrations, un des plus grands filtres au monde de CO2. Donc, notre pays comme tel, le Canada, on n'a pas à s'inquiéter des changements climatiques ou de la pollution qu'on émet. Mmh. On est 30 millions, puis ils sont des milliards en Chine et en Inde qui font de la pollution industrielle plus que nous autres. Mmh. On nous impose des taxes à l'heure actuelle. Ils n'ont pas raison d'être imposés parce qu'on ne pollue pas. Puis le changement climatique, théoriquement, quand il y a un changement climatique, ils disent tout le temps que ça va réchauffer, il n'y aura plus d'hiver. Ils nous disent ça depuis des années. On n'a jamais eu un hiver comme on a. Puis là, on veut mettre tous les dégâts qu'on a au niveau des inondations sur le changement climatique. Ça n'a aucun rapport. Ouais. J'ai les bois, c'est juste à cause de la neige qu'ils font. Ouais. Ça n'a aucun rapport avec un changement climatique. Non. Hey, mais là, on va parler des choses plus sérieuses. Donc, non, mais ça va directement avec la pêche. Oui, effectivement. C'est en lien direct parce que toute cette eau-là qui s'en va dans les lacs, tu sais, on appelle ça de l'eau de ruissellement. Quand on a une région où on a coupé beaucoup d'arbres, on a une eau qui, au lieu de rentrer dans le sol et est filtrée, va couler directement à partir des grands bûchers et ça va se rendre jusqu'à des cours d'eau. Même si on gardait une lisière d'arbre au bord qui agit comme filtre, on va se retrouver avec une sédimentation et un apport d'insectes important en bordure des lacs. Donc, en ouverture de la pêche, si je peux donner un conseil important aux gens, c'est aventurez-vous dans les endroits moins profonds de vos lacs, dans les baies où le vent a poussé la nourriture. Donc, regardez toujours la veille ou le matin que vous allez à la pêche, où pousse le vent. Mmh. Et allez-vous-en dans ces baies peu profondes-là qui vont avoir été alimentées de sédiments et d'insectes qui vont être amenés par les sédiments. Donc, c'est là que la truite va aller chercher sa nourriture facile parce que là, elle a froid. Elle a eu froid tout l'hiver. Le changement des lacs, ce qu'on appelle la thermocline, l'eau qui est à température égale, qui est à peu près à 15 pieds, elle n'est pas là présentement. Mm. Les lacs n'ont pas fait ce qu'on appelle leur turnover, c'est-à-dire que le lac n'a pas tourné de bord. Et là, l'eau chaude est au fond, l'eau froide à la surface, et le poisson n'aime pas l'eau froide. Mm. L'eau est trop froide pour lui. Donc là, il va chercher tous les bords, donc tout l'endroit ensoleillé, les roches dégagées qui vont se réchauffer à cause du soleil, les arbres morts qui vont se réchauffer à cause du soleil, et toutes les baies peu profondes où vont se ramasser les insectes par milliers parce qu'ils vont avoir été amenés par la fonte de la neige sur le fond de ces baies-là. Donc ça, c'est des endroits qu'on doit commencer tout de suite à explorer au moment où on va s'approcher de nos lacs. N'essayez pas, vous pouvez les prendre en profondeur, en très, très grande profondeur, mais la truite ne sera pas à surface, elle ne sera pas là, il fait trop froid. Mm. Puis c'est pas là qu'elle va trouver sa nourriture. Elle va trouver sa nourriture en bordure des plantes. Mais là, tu penses-tu qu'il y a du monde qui sont à la pêche actuellement? Jamais? Ben, c'est-à-dire que ceux qui ont... Premièrement, la pêche est ouverte. Hein, la saison de pêche est ouverte. Il faut vérifier auprès du ministère quelle zone et quel genre de poisson on a le droit de pêcher et les limites de grandeur. Cette année aussi, le gouvernement a restitué avec ça avec les limites de grandeur. Donc, il faut s'assurer d'avoir les bons renseignements, parce que moi, c'est pas moi qui vais les donner. Vous comprendrez que si je donne des renseignements et ils sont erronés, c'est moi qui vais être responsable. Donc, je donne pas de renseignements là-dessus. Vous allez sur le site du ministère, vous allez prendre vos propres informations. Mais il y a des gens qui vont à pêche. Il y a des gens qui sont à pêche au lac Montremagog présentement qui ramassent de la grise facile parce que la grise est en chasse puis elle veut s'alimenter. Si vous allez dans les régions, dans vos régions, vous autres, pour la pêche à la truite mouchetée, encore une fois, cherchez-la dans des endroits peu profonds, très ensoleillés, et où le vent a poussé pour trouver toute la nourriture, parce que la truite va avoir faim, et ça va être le seul moyen d'être capable de se nourrir dans une eau qui va être un peu moins froide que dans le milieu du lac. Mais là, l'eau descend des rivières, hein, descend des la forêt, donc j'imagine que ça n'a pas mordu ben. Oui, ça peut mordre. Comme je te dis, la truite a un de son hibernation, puis dès qu'elle va commencer à avoir des rayons de soleil, quand la glace va être disparue des lacs, bien là, le soleil va pénétrer à l'intérieur de l'eau, et là, l'eau va se réchauffer tranquillement. Mais la truite, d'un instinct naturel, sort de son hibernation, et là, elle va monter vers la surface pour aller se nourrir. Mais l'eau de surface est trop froide pour elle, comme le lac n'a pas tourné encore, donc elle va s'approcher des berges, elle va s'aller dans des endroits où c'est moins profond, où l'eau est plus chaude. Et c'est là que la vie aquatique va commencer. C'est là que les plantes vont commencer à pousser. C'est là que les insectes qui s'accrochent aux plantes vont se localiser. C'est là que les petits bénéfices... Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la... Et c'est comme ça que la truite va se rapprocher de la chaîne alimentaire qui est toute en bordure des plans d'eau ou dans les endroits moins profonds. OK. Claude, ça fait le tour pour cette semaine. On s'en reparle la semaine prochaine. Donc, Parfait, mon ami. Claude, notre spécialiste de pêche, Claude Roy.